Il n'y aura pas de pétales au ciel. Oh, c'est beau. Il n'y aura pas de pétales au ciel. Pas de pétales. Là-haut dans le ciel, les roses auront des auréoles. Mais pas de pétales. Là. Ça va, l'homme.